Vous écoutez Radio Duo sur le 89.5 ou alors via le streaming sur www.radioduo.org. Nous sommes le jeudi 14 mai 2015, jour férié, certes, mais deuxième jeudi du mois, et deuxième jeudi du mois oblige. C'est le Grémos qui prend la parole pendant le magazine Info. Le Grémos, c'est le groupe de recherche et d'études des mémoires du monde ouvrier stéphanois, représenté aujourd'hui par son président Jean-Michel Stenner. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, bonjour Flavien. Merci pour, encore une fois, nous céder l'antenne. Bien sûr, aujourd'hui, c'est un jour férié, mais on est à moitié pardonné puisqu'on n'est pas le 1er mai quand même. Donc aujourd'hui, on va revenir pour la deuxième fois sur la journée que le Grémos a organisée le 28 novembre 2014 sur le thème « Association et mémoire ouvrière ». Et dans cette journée, donc, nous avions commencé à présenter le mois dernier, eh bien, nous avons donné la parole à une série d'associations qui sont toutes tournées vers le patrimoine, vers l'histoire locale, avec l'idée de d'abord qu'elles nous fassent partager leur expérience et leur démarche, qu'elles nous fassent part aussi des problèmes qu'elles rencontrent, des joies qu'elles peuvent éprouver dans leur travail. Et puis l'idée, c'était aussi bien sûr de pouvoir en définitive échanger sur ces expériences. Donc nous allons aujourd'hui écouter quatre extraits. On ne passera pas à l'ensemble des interventions parce qu'on essaye de faire tenir dans le temps imparti. Quatre extraits qui sont successivement l'intervention de Michel Duffy pour la Société d'Histoire de Firminy. Ensuite, celle de Daniel Durand pour le CEDMO 42, puis de Luce Chazalon pour la Maison des Tresses et Lacets, et enfin de Karine Pétel pour la Maison du Patrimoine et de la Mesure. Alors, si j'ai tenu à faire, limiter un peu le temps de parole, même si on leur a donné un temps équivalent à tous pendant cette journée, mais si j'ai tenu à limiter le temps de parole pour cette émission, c'est pour pouvoir placer ensuite l'intervention de Christelle Morel-Journel, professeure à l'Université Jean Monnet, professeure de géographie, qui présidait la première matinée et qui a fait une synthèse de toutes ces interventions. Alors, cette émission d'aujourd'hui, eh bien, j'ai choisi de l'accompagner de courts extraits d'un album qui a été réalisé par Pete Seeger dans les années 60, donc American Industrial Ballads, donc qui sont des chansons la classe ouvrière américaine. Et ça nous fera tous réviser un petit peu notre anglais. Voilà, et bonne écoute pour la première intervention, celle de Michel Duffy. Oui, bonjour, Michel Duffy, donc président de la Société d'Histoire de Firminy et Environ. Et Jean Vigouroux, archiviste. De l'association, ancien président qui a œuvré pendant de nombreuses années pour cette association. Donc, si on parle de cette association, c'est ce qu'on nous a demandé un petit peu, c'est de la présenter. Eh bien, si on parle des buts de l'association, c'est d'abord de sauvegarder le patrimoine local que nous avons dans la vallée de l'Onden et au-delà même, et de regrouper les études, les documents historiques qui sont déjà parus. Et on peut aussi parler d'encourager les études sur l'histoire locale. On fait aussi revivre, on essaie tout du moins, parce qu'on veut être modeste, hein, on est une petite structure, on essaie aussi de faire revivre le passé de Firminy et de ses environs tout au long de l'année. C'est d'ailleurs un contrat que nous avons avec la commune, qui est propriétaire des lieux. Et dans le contrat de partenariat, il est bien précisé que nous devons faire vivre la structure à travers des expositions, à travers des conférences, à travers des animations diverses et variées, et à travers différentes activités que nous pouvons avoir dans l'année. Nous avons aussi un but, c'est donner le goût de la recherche historique, en particulier à la jeunesse, et c'est vrai qu'on est très ouvert et on a de nombreuses visites dans ce domaine, et on s'en fait un plaisir. Je ne sais pas si c'est peut-être notre passé d'enseignant qui fait qu'on se fait plaisir à recevoir de la jeunesse, voilà, on est très content d'avoir des jeunes au château. Restaurer et animer le site du château des Bruneaux, et ça, ça date pas d'aujourd'hui, on en reparlera, conformément donc à ce contrat de partenariat avec la ville. Nous gérons aussi cet écomusée créé sur le site, en assurant entre autres, comme je l'ai dit, sa promotion, les visites, etc. et nous faisons connaître les travaux aussi des membres, les collections, l'histoire locale par des expositions, comme je l'ai précisé tout à l'heure, et des activités diverses. Pour cela, il y a, comme dans toute association, un noyau dur. Et ce noyau dur, c'est environ une vingtaine de personnes qui sont très présentes, qui se réunissent tous les mardis après-midi pour préparer des activités, pour faire des travaux dans les lieux. Nous avons donc un conseil d'administration, évidemment, qui se réunit deux ou trois fois par an, qui définit les orientations, on va dire, politiques de l'association, et le bureau qui se réunit donc lui aussi régulièrement tous les premiers jeudis du mois. Nous nous intéressons évidemment, et c'est peut-être là où on parlera un petit peu de l'objectif de la journée, nous nous intéressons au patrimoine industriel de notre vallée de l'Andenne, en particulier celui de la métallurgie et de la mine, et c'est vrai que ce patrimoine de la mine, il est incontournable et notre mine témoin a toujours un très grand succès, même si, et on aura l'occasion peut-être d'en reparler, c'est une mine qui date d'un certain nombre d'années puisque la construction est ancienne et qu'une mine n'est pas faite, les galeries de mine ne sont pas faites pour vivre aussi longtemps, donc ça demande un coût au niveau de l'entretien parce qu'elle vieillit. Et c'est vrai qu'il faut, encore cette semaine, hein, on en reparlera. Donc, voilà. Alors, je pense que ça vient tout de suite après. Jean Vigouroux me dit qu'il faut parler un petit peu de l'origine de cette galerie de mine et on y arrive. C'est la création de la Société d'Histoire ne date pas d'aujourd'hui. Elle date de 1967 et son installation au château de 1973. Et dans le cadre de cette demeure bourgeoise, il a été prévu de mettre en scène le cadre de vie des ouvriers, mineurs et métallurgistes et leur lieu d'activité. Donc le premier élément, c'est vrai, c'est la mine témoin qui a été réalisée de 83 à 89 en deux tranches de travaux, dirons-nous. Première tranche dans les écuries du château, deuxième tranche, une liaison entre les écuries et les caves du château, en passant sous le gazon du verger actuel. Et là, ce sont des bénévoles qui étaient à la fois des mineurs qui cessaient leur activité. 83, rappelons qu'on a la fermeture de Pigeot et donc la fin de l'aventure minière dans notre bassin, Houillet. Et donc, il y avait ces mineurs bénévoles qui étaient les mineurs, qui étaient les boiseurs. Il y avait aussi, et j'en faisais partie, les bénévoles de la Société d'Histoire qui étaient là. Et évidemment, ça ne s'est pas fait n'importe comment. Il y avait aussi des cadres, des houillères, qui ont aidé à mettre en place cette structure d'une certaine façon pour faire que cette mine témoin, très réaliste, on n'est pas chauvin, soit représentative d'abord au niveau chronologique de l'aventure minière, et puis aussi elle est très vraie puisque le matériel a été récupéré localement à travers différents puits, puits du Marais, Chambon-Feugerolles ou autres, contrairement à parfois d'autres structures, comme on a eu l'occasion de le dire lorsqu'on était en voyage dans l'Allier, oui, une mine où les molettes du chevalement venaient du puits de la Chana à Roche-la-Molière, en fait, il faut savoir, voilà, par exemple. Donc, l'histoire de la mine, avec sa galerie de 150 mètres, a toujours un très, très grand succès. Et on a un grand nombre de demandes à ce niveau-là. C'est un projet qui a été mené sur donc 83 à 86, 86 à 89 pour la deuxième tranche, 6 ans, qui a demandé un énorme investissement de la part des bénévoles et donc qui a le mérite d'exister encore et de présenter cette activité de la mine. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi ce qui était reconstruit dans les appartements, dans les communs du château, l'appartement, je veux dire, ouvrier du début du XXe. C'est vrai qu'on a essayé de mettre en place une cuisine, une chambre, où nous avions du matériel dans les réserves, et c'est vrai qu'il faut l'utiliser. Parce que j'en profite pour dire une chose, c'est que l'association n'achète rien. Tout ce que nous avons au château, ce sont des dons. Voilà. Donc on est très content d'être reconnu comme conservateur ou le musée comme un conservatoire du patrimoine local, que ce soit en documents, en objets divers et variés. Et donc cet appartement a pu être mis en place grâce à ça. À côté de ça, bon, il y a deux autres petites pièces qui se présentent où on a fait une présentation aussi de l'activité humaine, puisqu'il s'agit de parler de lavage, de repassage, de reprisage, et puis on a aussi, et de mode, puisqu'on a oui, une jolie collection de sous-vêtements féminins du début du XXe, qui est toujours un très grand succès. Voilà. À côté de ça, on parlait d'une attractivité qui était très représentative dans la vallée, c'était l'activité de cloutier. C'est vrai qu'au XIXe siècle, il y avait de l'ordre de 200 cloutiers sur Firminy. Et je ne veux pas reparler de l'appellation du nom des habitants à Pelloux, hein, et de son origine, mais ces cloutiers, qui étaient des gagnes petits hein, comme activité, eh bien, on a essayé de mettre en place cet atelier, je dis bien de le mettre en place parce qu'il n'était pas au château, il était construit de toutes pièces avec le matériel dont nous disposions à l'époque. Après cet atelier de cloutier, nous avons aussi une autre activité humaine importante qui est celle du fournil du boulanger avec un four qui est plus que vrai, avec un plafond tapissé de sacs et de farine qui permet d'expliquer la provenance dont le moulin de la Fenderie a eu lieu. On a aussi quelques vitrines par-ci, par-là, qui permettent de présenter le fait que nous sommes proches de la Haute-Loire et qu'il n'y a pas une limite au niveau de l'activité de la dentelle, et qu'à Firminy, et on a l'occasion de présenter des carreaux dans l'appartement à Pelloux, nous avons donc cette activité de la dentelle qui est bien présente. De même, et c'est vrai, c'était peut-être le chambon qui était peut-être plus tourné vers cette autre activité, le travail de la lime. Mais on a une belle vitrine, je pense, avec du matériel présentant ces outils du travail de la lime qui ont quand même marqué notre vallée de Londaine avant la révolution industrielle et la venue de l'usine des Renégats au chambon Feugerolles. Voilà pour ces deux autres activités. On a aussi, et là, on a déménagé quelque chose de Saint-Étienne, qui était tout simplement une menuiserie. Cette menuiserie, on l'a récupérée rue Beaubrun. Ça a été tout un travail, d'ailleurs, parce qu'elle était dans une cour. Il a fallu la sortir par un couloir de 80 cm de large, donc démonter les machines, les remonter sur place. Donc, on a du matériel, dont une scie à ruban, je pense, qui est du début du XXe. Voilà, et d'autres machines, tours à bois, etc., et tout l'outillage qui va avec, hein. Donc, elle est très intéressante. Plus de petits outillages pour, j'en passe, hein, souder les scies à ruban, pour aiguiser les lames, etc. Le musée est en... La structure est en perpétuel mouvement, puisque nous avons le caveau qui existe aussi, avec une jolie grille art déco qui était dans nos réserves, qui permet donc de créer une belle entrée à ce caveau. Avec donc entre autres un pressoir à pommes, ou plus précisément, on ne va pas appeler ça le pressoir dans un premier temps, c'est un appareil en pierre qui pèse de l'ordre de 1400 kg, qui est animé par d'un mouvement de balancier, et à l'extrémité du balancier se trouve comme une grande meule qui vient casser la pomme, et ça vient, c'est du patrimoine local, ça vient du Nieu, nous l'avons récupéré dans une ferme. In the days of 18 and 1, pagan all. In the days of 18 and 1, pagan all. In the days of 18 and 1, pagan shoes was all I done. Hand me down my pegs, my pegs, my pegs, my all. In the days of 18 and 2, pagan all. In the days of 18 and 2, pagan all. In the days of 18 and 2, pagan shoes was all I'd do. Hand me down my pegs, my pegs, my pegs, my all. In the days of 18 and 3, pagan all. In the days of 18 and 3, pagan all. In the days of 18 and 3, pagan shoes was all you'd see. Hand me down my pegs, my pegs, my pegs, my all. In the days of 18 and 4, pagan all. In the days of 18 and 4, pagan all. In the days of 18 and 4, I said I'd peg those shoes no more. Throw away my pegs, my pegs, my pegs, my all. They've invented a new machine, pagan all. They've invented a new machine, pagan all. They've invented a new machine, prettiest little thing you ever seen. Throw away my pegs, my pegs, my pegs, my all. Makes 100 pairs to my one, pagan all. Makes 100 pairs to my one, pagan all. Makes 100 pairs to my one, pegging shoes, it ain't no fun. Throw away my pegs, my pegs, my pegs, my pegs, my all. C'était Pete Seeger avec une chanson qui s'appelle Peg and All. Peg and All, donc traduction littérale, la pince à linge et le poinçon. Donc c'est une chanson des tout débuts de l'industrialisation, c'est ce qui fait son intérêt. Entre autres, hein, elle date de 1801 et c'est un commentaire sur les ravages causés par le processus d'industrialisation et notamment sur le chômage qu'il a provoqué chez les artisans d'avant l'industrialisation. Voilà, donc ensuite nous allons écouter Daniel Durand qui représente donc le CEDMO 42, association qui a la particularité d'être d'associations partisanes, donc notamment du Parti communiste et des associations périphériques. Et l'intervention de Daniel Durand nous propose une expérience tout à fait passionnante. Donc, merci beaucoup. Je crois qu'on retrouvait bien dans l'intervention de la Société d'histoire de Firminy les idées posées par Maurice Bedouin aussi, hein, de richesse extrême, de trésor même, qu'on ne veut pas laisser à d'autres sur ce qui a été constitué dans ces associations. Et effectivement, Jean Vigouroux rappelait aussi le contexte de crise et de sauvegarde, alors au sens très fort du terme, qui a été le leur au départ pour la constitution de leur collection. Vous pouvez présenter plus précis. Je vous laisse la parole. Peut-être vous pouvez vous présenter votre oui, bien sûr. Organisation. Merci. Et je vais exercer sur vous le même contrôle que précédemment. Oh, mais je n'en doute pas. En récupérant mes petits papiers. Merci. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Daniel Durand et donc je suis le président du CEDMO 42. Je vais vous dire ce qu'est cette bête. Et comme on va parler d'archives plus immatérielles, ça évitera la comparaison avec les amis de Firminy, de leur extraordinaire travail. La création du CEDMO, donc, qui s'appelle le Centre d'études et de documentation sur l'histoire, la culture et la mémoire du mouvement ouvrier dans la Loire, est due à la réflexion d'une petite équipe dont je faisais partie, qui avait pour caractéristique d'avoir la même origine, la même sensibilité politique, d'être des anciens responsables du Parti communiste, et qui s'inquiétait des risques de disparition des archives communistes dans un département qui a connu justement une forte activité et une forte représentation donc du Parti communiste. Je reviendrai à la fin de mon intervention sur ce problème des archives des partis politiques en général et puis même des associations constituant le mouvement ouvrier. C'est donc dans l'hiver 2007-2008 qu'avec notamment Georges Prouveau, qui à l'époque était conseiller municipal, mais qui avait été plusieurs années auparavant à Paris secrétaire national de l'Institut national d'histoire sociale de la CGT, et aussi d'autres responsables du PCF, comme Daniel Linossier, qui avait été secrétaire départemental, que nous avons décidé de constituer cette association. Alors, avec un double but, la conservation prioritaire des archives émanant des organisations communistes dans le département et aussi, de manière plus large, d'autres associations que l'on rattache à la définition large du mouvement ouvrier et qui, parfois, ont été présentées comme paracommunistes ou proches du Parti communiste. Dès le début de sa création, l'association a mené des discussions avec les dirigeants actuels de la Fédération de la Loire du Parti communiste, en particulier avec son secrétaire Vincent Bonny. Et donc, nous avons pu obtenir une convention de dépôt des archives de la Fédération soit passée avec notre association pour répertorier, classer ces archives et permettre leur accès aux étudiants stéphanois. Et c'est aussi grâce à l'aide de la Fédération du PC que nous avons pu utiliser un local de deux pièces qui jouxtait l'ancienne Fédération pour les Stéphanois qui était située rue Camélina, locaux qui étaient inutilisés, qui ont pu être aménagés en moins de 6 mois. Donc, le travail a commencé en début 2008 et en janvier 2009, nous avions déjà 400 cartons d'archives constitués, répertoriés et un outil de recherche sommaire informatisé élaboré. Et dans les mois suivants, des conventions similaires ont pu être passées avec les organisations du PC de Saint-Étienne et surtout de Roanne au printemps 2009 où d'importantes archives ont pu être récupérées. Le deuxième axe de notre action dès le début a été de collaborer avec les structures publiques existantes, les archives départementales, les archives municipales de Saint-Étienne, les structures privées de mémoire comme l'Institut d'histoire sociale Benoît Frachon qui collecte les archives donc de la CGT, et des structures universitaires, puis avec le Grémos et avec la faculté d'histoire de Saint-Étienne. Ça s'est traduit par la création d'un conseil scientifique comprenant les responsables de ces deux structures d'archives, des professeurs d'histoire, des responsables donc d'autres centres, et des jeunes chercheurs doctorants stéphanois. Et dès la première réunion, en 3 décembre 2008, disons face aux interrogations des responsables du service public, j'ai repris le compte-rendu de la réunion de ce conseil scientifique. Ce serait la seule citation que je me permettrai, mais je vous la redonne, ce qui est écrit dans le compte-rendu qui avait été approuvé. Pour le CEDMO 42, Daniel Durand et Georges Pruvot rappellent que le but de l'association a été de tenir compte de la situation concrète et de l'état d'esprit des militants du mouvement ouvrier nigérien qui éprouvent encore des réticences à déposer leurs archives collectives ou individuelles dans le service public et d'offrir une structure relais garantie d'une certaine confiance mutuelle pour ses dépôts. Il est redit que l'association souhaite pouvoir un jour, lorsque les conditions culturelles, politiques seront réunies, pouvoir reverser son fonds dans les archives publiques, bien qu'à son avis, c'était en 2008, cette question n'est pas d'une actualité immédiate. Voilà. Nous avions également, donc, dans cette création, deux autres objectifs, non pas seulement récupérer des archives de structure, mais aussi d'essayer de récupérer et de sauvegarder des archives éventuelles privées d'anciens militants du mouvement ouvrier, nombreux dans le département, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et un dernier objectif, évidemment, mettre ces archives à la disposition des historiens et chercheurs, d'où immédiatement la création d'un outil de recherche informatisé même imparfait, l'ouverture d'une permanence les mercredis et la création d'un site internet. Voilà. Alors, quel bilan, dont une deuxième partie, quel bilan, quelle stratégie de fonctionnement et de développement a-t-on poursuivi? Bon, le premier axe a été le développement du fonds d'archives. Donc, on peut dire qu'on a pu récupérer les archives d'organisations communistes, j'ai dit la Fédération de la Loire du PC, des sections locales, la Pacolière, Rive-de-Gier, Roanne, Saint-Étienne, et puis des bribes sur la Ricamarie, le Chambon-Feugerolles, Roche-la-Molière. Une vingtaine de dépôts individuels, modestes, mais dont certains ont parfois des contenus intéressants. Ça représente environ 200 mètres linéaires d'archives, avec un classement donc informatisé. Et ces archives qui ont fait l'objet d'un récollement supplémentaire plus poussé, thématique sur Manu France, sur la mine, sur la guerre d'Algérie, sur la lutte anti-apartheid, sur l'actualité sociale et politique avant 1981 et autour de la période programme commun, plus un récollement de nécrologie et d'hommages funèbres prononcés lors d'enterrements de militants du mouvement ouvrier. Deuxième aspect de ce fonds, le classement d'une sorte de bibliothèque de 600 ouvrages politiques, sociaux, sociétaux, qui sont assez représentatifs du courant communiste et marxiste et qui représentent beaucoup de choses qui ont été publiées dans les années 70-80, notamment au moment du développement le plus important des éditions des éditions sociales, puis des éditions Messideur, ainsi d'un fonds de livres régionaux et la mise en ligne donc de ce catalogue sur notre site internet. Et donc, dans cette salle, dans la salle de lecture, une collection complète et unique de l'hebdomadaire Regard sur la Loire de 1958 à 96, c'est une collection unique puisque les archives publiques n'ont en général que la période de 72 à 96 et la collection complète des cahiers du communiste. Nous essayons d'élargir le fonds à l'ensemble des composantes du mouvement ouvrier, et donc nous en dirons peut-être tout à l'heure plus, mais nous avons recueilli les archives, par exemple, de l'Union des femmes françaises de la Loire depuis sa création en 1945, et nous avons donc un projet pour l'année prochaine, le 8 avril prochain, d'un colloque sur l'histoire de cette organisation dans le département, de ses principales figures, dont Dora Rivière, bien connue à Saint-Étienne, hein, et donc un certain nombre de scientifiques, d'historiens locaux ont prévu leur participation, dont Jean-Michel, Sylvain Bissonnier, etc. Voilà. Deux obstacles dans cette collecte. Le problème des militants les plus importants du mouvement communiste dans la Loire, où la question de leurs archives est pendante. Bon, on peut citer celle de Joseph Sandholz ou de Théo Vielmassa. La question des photographies, où là nous sommes très en retard par rapport aux collègues de Firminy, parce que nous n'avons pas encore entamé le scannage et où se pose la question du repérage. L'autre élément de travail, c'était l'exploitation et la connaissance des fonds. Donc, ça nous a amené à organiser trois colloques à partir des fonds existants, hein, pas en général, mais à partir des fonds existants dans le CEDMO. En 2010, un colloque sur le thème mémoire de mine, mémoire de lutte. En 2011, un colloque sur la situation économique, sociale et politique de la Loire à la veille de 81. Et un troisième colloque en 2012 sur la lutte pour la paix en Algérie dans la Loire entre 54 et 62. Donc les publications associées, les actes des colloques, un nouveau répertoire de recherche du fonds et une publication annuelle, des cahiers du CEDMO et un projet qui va en janvier, donc la publication de ce qu'on va appeler officiellement, le petit annuaire des militants modestes du mouvement ouvrier nigérien, c'est-à-dire à partir de toutes les nécrologies parues de Regard sur la Loire ou des hommages funèbres, tout un recensement de militants qui dont le niveau de responsabilité fait qu'on ne les trouve pas dans le métron, par exemple, hein, qui collectent à partir des responsables départementaux. Et donc, on a pas loin de 500 à 600 noms qui seront avec des choses brèves dessus, mais qui peuvent être des points de départ après pour des recherches. I lost my eyes in the blacksmith shop in the year of 56 while dusting out a tea planch which was out of fix. It bounded from the tongs and there concealed my doom. I am a blind fiddler and far from my home. I've been to San Francisco, I've been to Dr. Lane. He operated on one of my eyes, but nothing could he gain. He told me that I'd never see, and it's no use to mourn. I am a blind fiddler and far from my home. I have a wife and three little ones depending now on me. To share all my troubles, whatever they may be. I hope that they'll be careful while I'm compelled to roam. I am a blind fiddler and far from my home. Pete Seeger, toujours dans l'émission consacrée au Grémos aujourd'hui. La chanson de Pete Seeger s'appelait The Blind Fiddler, c'est-à-dire le violoniste aveugle. Bien, et après le violoniste, donc, nous allons écouter Luce Chazalon, qui représente la maison des tresses et lacets, autre expérience originale de reprise d'une activité qui était extrêmement importante au début du XXe siècle dans les vallées du versant nord du massif du Pilat. Et cette association donc, a essayé de préserver le patrimoine d'usines qui ont toutes fermé dans les années 70-80. Et elle essaye aussi de faire en sorte que cette expérience soit reprise par des créateurs, notamment de la mode aujourd'hui. Donc il y a à la fois un aspect préservation du patrimoine et puis une expérience tournée vers l'avenir. Et puis merci à Daniel Durand de nous avoir aussi alerté sur deux questions intéressantes, ces questions des archives sensibles, je vais dire ça comme ça, et puis ce rôle de passeur aussi en signalant l'évolution que le CEDMO a connue, a validée entre 2008 et aujourd'hui. Vous avez une présentation. Donc peut-être, vous pouvez commencer à vous présenter. Si... Oui. Oui, bonjour. Donc, Luce Chazalon, je suis présidente de l'association de gestion et de fonctionnement de la Maison des Tresses et Lacets. Bonjour, Sarah Reville, donc médiatrice culturelle à la Maison des Tresses et Lacets et responsable de l'atelier du fonctionnement des machines. Voilà, c'est pour ça qu'on va faire cette présentation du musée-atelier à deux voix, parce que Sarah s'est approprié le fonctionnement des métiers. Donc je lui laisserai la parole quand on en sera venu à cette étape-là de la présentation du musée. Voilà, donc là, on a fait un montage diapo parce que c'est vrai que c'est un lieu, comme tous les lieux muséographiques, où il y a beaucoup de visuels, et il me semble que ce sera plus pertinent de vous montrer des photos et en même temps notre démarche. Donc, alors, nous ne sommes pas, ça n'a rien d'officiel cette appellation, mais nous souhaitons nous appeler musée-atelier et non pas éco-musée. Musée-atelier, parce que vous allez voir dans la présentation, c'est un musée dans lequel il y a des machines, des métiers à tresser qui fonctionnent. Donc, nous fonctionnons comme un atelier, mais évidemment, nous ne sommes pas une entreprise avec des ventes importantes. Hein, mais vous allez voir dans la présentation et de notre démarche, ce à quoi nous tendons. Donc, ce musée-atelier a été créé en 1988 à l'initiative du Parc du Pilat. Donc, merci le Parc du Pilat, en collaboration évidemment avec la commune de la Terrasse. C'est un musée associatif néanmoins, et la particularité, c'est que lorsqu'il a été créé en 88, il y avait encore des tresseurs dans la vallée du Dorlay. Est-ce que tout le monde sait où se situe la Terrasse sur Dorlay? Je n'ai pas présenté géographiquement, donc c'est dans la vallée qui est à côté de c'est la vallée du Dorlay, le Dorlay se jetant dans le Gier, et c'est après Saint-Paul-en-Jarret en direction du parc du Pilat. Voilà, c'est un tout petit village de 700 habitants. Donc je disais que cette association donc a été créée en 88, à l'époque où il y avait encore des tresseurs, et dans les membres de gestion de l'association, il y avait des tresseurs. Et ce qui pour nous est important, il y a ce qu'on appelle des membres de droit. Ce sont les communes qui entourent la Terrasse sur Dorlay. Et il y a donc la commune de Saint-Chamond, Lorette, Lormes, Grand-Croix, la Terrasse sur Dorlay, Saint-Paul-en-Jarret et le parc du Pilat. Donc nous devons, chaque année, nous faisons une assemblée générale et nous exposons notre bilan, notre gestion financière, l'état des lieux, ce que nous avons fait, ce que nous allons faire. Voilà. Alors, en 2013, nous avons eu 5600 visiteurs. C'est vrai que c'est peu, mais lorsque l'équipe actuelle, il y a 3 salariés à la Maison des Tresses, lorsque l'équipe actuelle est arrivée, on en était à 1800, et la Maison des Tresses et Lacets était vraiment en perte de vitesse, donc on a pris les choses à bras-le-corps, et on est passé en 4 ans quand même de 1800 à 5600. Alors l'année 2014 a été un petit peu difficile, mais nous espérons quand même arriver à ce chiffre-là. Alors, nous sommes installés. Non, c'est bon, oui. Donc, nous, ça, ce sont les bâtiments. Donc, c'est une ancienne usine textile. Tout à l'heure, il a été fait référence au dernier propriétaire, le dernier tresseur qui a travaillé là jusqu'en 1990. C'est la famille Camus. Mais il y a eu 3 générations de tresseurs. Donc, c'est une architecture industrielle en schiste qui est avant tout une architecture utilitaire. Alors, c'est pas très... Est-ce que je peux prendre le micro? Non ? Mais vous, est-ce que vous m'entendez? Non, oui, c'est enregistré, Luce. Vous restez. Je vais vous prêter celui-ci, comme ça vous. Non, mais voilà, c'est bon. Moi, je préfère. Oui, parce que sinon, je ne vois pas les images. Voilà, donc là, ça, c'est le bâtiment qui a été construit en 1911. Là, ce sont des bâtiments plus anciens où il y avait les premiers ateliers, la première usine, la première fabrique de tresses. Et là, alors ça, c'est également 1830, et c'est dans cet espace-là que nous avons aménagé notre salle d'exposition. Je vais vous montrer ça. Ah, non, c'est là. Voilà, alors le lieu est intéressant à plusieurs titres, mais en particulier à cause et grâce à ses installations hydrauliques. Donc à cette époque-là, évidemment au 19e, c'était l'énergie hydraulique qui était utilisée, et pour utiliser l'énergie hydraulique, il faut des installations particulières. Ces installations, c'est la levée, bassin de réserve, ici la roue à auger avec les engrenages. Et tout à l'heure, il a été fait référence effectivement à une expertise qu'on nous avons fait faire par des étudiants de l'ENIS, parce que ce que nous souhaitons, c'est remettre en activité l'énergie hydraulique qui pour le moment est là uniquement pour démonstration. Donc remettre en route l'énergie hydraulique pour produire énergie mécanique, énergie électrique à petite échelle, mais effectivement ce serait intéressant, ça nous semble pertinent de remettre tout ça en état. En tout cas, toute la mécanique est en relatif bon état. Je dis bien relatif, hein, parce qu'il y a des choses, notamment des pignons, qu'il sans doute il faudrait peut-être restaurer. Alors ça, c'est une ancienne photo, c'est un atelier à Saint-Chamond, début du 20e, et c'est l'installation des métiers à tresser, des usines, des fabriques, avec des ouvrières. Il y avait très très peu d'ouvrières, les données sont différentes. Certaines données annoncent une ouvrière pour 20 métiers, d'autres données pour 50, mais en principe, c'est entre 50 et 60 métiers, donc c'est la responsabilité de l'ouvrière de bien veiller au fonctionnement. Donc ça, c'est la manière dont étaient installés ces ateliers. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que l'activité de tressage, c'est dans ce texte-là, un Normand, M. Perrault, mis au point en 1783 un premier métier en bois, et c'est Richard Chambovet, qui fut maire d'Izieux pendant très peu de temps, qui en 1807 a installé l'activité du tressage dans la vallée. Et cette activité du tressage a essaimé jusque dans la vallée du Dorlé parce qu'il y avait le personnel et il y avait l'énergie hydraulique. Non, on va aller très vite. Alors ça, ce sont des archives. Alors nous sommes très loin du compte en ce qui concerne la conservation préventive. Nous n'avons rien fait. Ce sont des archives qui datent fin 19e, soit début 20e. Et ce sont des échantillons et des carnets de bord de tresseurs. Là, je crois qu'il faut que j'active un petit peu. Là, encore une fois, des archives avec des lacets, des productions qui sont faites sur les métiers. Ça, c'est l'atelier actuel. Je vais laisser la parole à Sarah. Donc l'atelier actuel, j'ai pas l'impression que ça marche, si ? Ah si. Donc l'atelier actuel comporte à peu près une cinquantaine de machines, donc de métiers à tresser. Notre rôle, évidemment, étant d'assurer la conservation de ce patrimoine, l'atelier sert essentiellement aux démonstrations pour le public. Mais il faut savoir que depuis 3 ans, nous avons, même depuis 4 ans maintenant, nous avons orienté cette idée d'aller vers une production pour conserver l'ensemble de ces mécanismes et surtout de ce savoir-faire, parce que je pense que pour conserver des gestes et pour conserver une technique, il faut avant tout travailler sur ces machines et pas seulement assurer la démonstration du fonctionnement de ces mécanismes. When you go to work, well, you work like the devil. At the end of the week, you're not on the level. Payday comes, you ain't got a penny, 'cause when you pay your bills, you got so many. I'm gonna starve and everybody will, 'cause you can't make a living in a cotton mill. When you buy clothes on easy term, collector treats you like a measly worm. $1 down and then Lord knows, if you can't make a payment, they take your clothes. I'm gonna starve and everybody will, 'cause you can't make a living in a cotton mill. Payday comes, you pay your rent. End of the week, you ain't got a cent to buy fatback meat, pinto beans, cook up a mess of turnip greens. I'm gonna starve and everybody will, 'cause you can't make a living in a cotton mill. Ashes to ashes and a dust to dust, let the rich man live and the poor man bust. We'll never make it, we never will, as long as we work in a rounding mill. I'm gonna starve and everybody will, 'cause you can't make a living in a cotton mill. 3e et dernière sélection de Pete Seeger dans cette émission du Grémos, ça a fait suite à l'intervention de la maison des tresses et lacets, c'était The Cotton Mill, cette chanson de Pete Seeger. Cotton Mill Colic, qui date de 1926, et la complainte d'un ouvrier qui, avec sa femme et 14 enfants, vivent dans une pièce avec seulement 2 lits. Donc c'est une situation que beaucoup d'ouvriers stéphanois ont connue. Alors pour terminer, l'intervention de Karine Pettel, la maison du patrimoine et de la mesure de la Talaudière, Karine Pettel qui va notamment intervenir sur le travail fait par cette association et par le musée sur la préservation du patrimoine minier du secteur de la Chazotte. Donc alors je me présente, je suis Karine Pettel de la Maison du patrimoine et de la mesure, je suis la responsable de la structure. Donc cette maison a été créée donc en 2001 à l'initiative donc de la commune de la Talaudière. Donc c'est un équipement municipal et qui se donne 3 grandes missions. Donc c'est un lieu à la fois de conservation, d'exposition et de documentation. Voilà. Et il présente deux grandes thématiques. Donc comme son nom l'indique, un volet sur l'histoire du système métrique. Donc je ne m'attarderai pas trop sur cette dimension, je vais simplement la présenter rapidement. Donc je vous ai mis quelques clichés donc, de l'exposition permanente donc, qui s'intitule « 3 siècles d'histoire de la mesure ». Et qui présente, si vous voulez, là à l'écran, vous avez l'atelier du Romagné à gauche, et à droite, vous avez le bureau de vérificateur, ce sont des reconstitutions. Et donc, elle présente quand même l'histoire des mesures antiques et médiévales, donc basées sur la morphologie humaine, mais le cœur vraiment de cette exposition, c'est la création, la mise en place et la diffusion de ce système métrique. Voilà, donc cette collection, elle représente environ 7000 pièces et on a une grosse documentation. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc on a beaucoup de pièces qui ont été déposées par l'administration et des archives également déposées par l'administration. Voilà. Le deuxième volet, il est dédié au patrimoine minier. Voilà, je vous ai mis quelques documents que l'on conserve. J'en parlerai un petit peu plus en détail après. Donc vous savez que la mine à la Talaudière, ça a été un secteur qui a été très important, donc qui marque le territoire, mais qui a marqué aussi les secteurs économiques, sociaux. Voilà, l'extraction minière, elle a commencé en 1825. Elle a duré 150 ans jusqu'à la fermeture des mines en 1972 pour la découverte de Présoleil notamment. Et à l'écran, donc, vous avez une ordonnance qui accorde la concession donc dite de la Chazotte, donc signée de Charles X. Voilà, pour le début de cette exploitation. Alors, donc on conserve donc dans nos réserves une grande documentation et des archives. On a une collection, donc un ensemble d'affiches de concessions minières. Donc là, vous en avez un exemple. On a également un grand fond de cartes postales anciennes et de photos qui ne sont pas encore toutes numérisées. Mais bon, c'est un travail un petit peu de longue haleine, hein, vous le savez. Voilà, donc là, je vous ai mis quelques exemples de photos et une carte postale. On a également une grande collection donc, de journaux. Donc, pour ceux qui connaissent le mineur de la Chazotte, le mineur de la Loire, le petit mineur de la Chazotte, on a environ une cinquantaine de ces journaux qui sont intéressants parce qu'ils datent des années 60-70, la date des fermetures des mines à la Talaudière. Donc si vous voulez, ça donne l'état d'esprit de la population à cette époque. Donc c'est assez intéressant. Voilà. On a également une grande collection de plans. Là, je vous ai mis l'un des plus anciens que l'on conserve, donc qui date de 1907. Donc, on a des plans donc, du bassin houillé de la Chazotte, mais également du bassin houillé de la Loire. On a la collection complète, notamment des plans qui ont été dressés par Dufaux et Closier, pour ceux qui connaissent. On a 35 plans, collection complète, donc, qui ont été dressés en 1953. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, je ne vous ai pas présenté de documents qui proviennent donc, du bureau des mines de la Chazotte, pour une bonne raison, c'est que ces archives qui étaient conservées dans les bureaux ont brûlé donc, dans un incendie en 1968. Et donc, il reste très peu de documents, sauf ceux qui ont été conservés par des particuliers ou qu'on retrouve parfois chez des antiquaires ou dans certaines sociétés. Et donc parfois ces sociétés nous les proposent à la vente. Donc ça a été le cas récemment. Voilà. Donc c'est la société d'Imaïs de Longjumeau, donc dans la région parisienne, qui nous a proposé à la vente ce livre de comptabilité, donc Dupuis-Louise, voilà, de la Talaudière. Donc je vous ai fait un cliché, pardon, à l'écran. Donc c'est un livre qui est assez massif, hein, il fait à peu près 40 sur 30, sur 4 cm d'épais. Et donc je vous ai fait un cliché. Donc pour vous, on ne voit pas grand-chose, j'ai essayé de retoucher un petit peu la photo, mais ce n'est pas très lisible. Donc ce document, il recense, si vous voulez, donc, le personnel, la profession. Donc on recense au total dans cet ouvrage 25 professions. Il présente également les salaires et les présences à la première quinzaine et à la seconde quinzaine. Voilà. Et vous avez une colonne observation. Donc ce document, on l'a depuis un mois environ. Donc on n'a pas eu le temps encore de faire une étude très développée. Mais pour nous, si vous voulez, c'est un document vraiment exceptionnel, car comme il ne reste que très peu d'archives des mines de la Chazotte, c'est un petit bijou. Voilà. Alors, donc toutes ces archives que je viens de vous présenter, elles sont conservées avec un bureau de consultation. Donc il y a possibilité de venir bien sûr les consulter sur place, sur rendez-vous. Notre but, c'est bien évidemment de faire vivre nos archives. On n'a pas pour but, enfin, notre but, c'est pas de les conserver pour les garder dans les cartons. Et bien évidemment, on reçoit des étudiants, des chercheurs, même des particuliers qui s'intéressent à cette histoire minière de la Talaudière. Voilà. Alors, pour la suite, voilà, les pièces. Je vais vous présenter maintenant les pièces et les objets de collection. Donc, cette collection, elle est un petit peu particulière parce qu'elle est née dans la population, c'est-à-dire que c'est la population qui s'est mobilisée pour conserver, si vous voulez, ce patrimoine et ces objets. Donc, une grande partie des objets qui composent cette collection ont été donnés par les habitants, par des mineurs, par les familles, par les descendants. Et encore aujourd'hui, la population locale donc, est très, très sensible à la conservation de son patrimoine et apporte encore aujourd'hui des objets. Donc là, la première collection que je vous présente, c'est la collection d'outils. Voilà, je vous ai mis quelques clichés. On a une collection donc, de lampes de mineurs, environ 60 lampes, donc, qui ont été acquises l'année dernière. Voilà. Et notamment un Crézieux, donc, voilà, ici, qui provient des établissements Goutel. Donc, pour ceux qui connaissent, un petit clin d'œil parce que c'est une entreprise talaudiéroise. Voilà, donc qui fabrique des Crézieux à la Talaudière, des lampes de mine. Et donc c'est le père et le fils qui s'associent et ils vont tous deux mourir durant la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Et donc, brusquement, la fabrication va s'arrêter à cause de ces décès. Voilà. Merci à tous les intervenants de ce matin qui nous ont quand même permis de voir ce qui avait été posé par Maurice en début de matinée, à savoir que nous avions, pour reprendre le titre de cette matinée, tissu associatif et mémoire ouvrière, un tissu dense, à n'en pas douter. avec des initiatives extrêmement nombreuses, extrêmement riches. Nous en avons eu la démonstration aussi. Donc cette densité du tissu associatif, elle représente aussi, hein, elle est comme la projection actuelle, sans doute de la densité des activités industrielles, productives, qui se sont installées au cours du temps dans cette région. Elle représente sans doute aussi leur densité, leur diversité. C'est pas tout à fait la même chose. Et elle représente sans doute aussi leur singularité, puisque vous avez bien entendu que lorsque Karine Keppel, je vais écorcher les noms, j'ai plus le programme sous les yeux, Petel, pardon, présente la maison du patrimoine et de la mesure, il est bien évident que la mine, pour reprendre ce singulier qu'on utilise souvent, eh bien ce n'est pas la mine, c'est les mines. C'est bien évident qu'il n'était pas que l'organisation du travail, le système productif minier n'était pas le même à la Talaudière qu'à l'autre bout du bassin, et que être mineur à la Chazotte, ce n'était pas non plus tout à fait la même chose. Donc un tissu associatif dense qui est bien représentatif de la densité, de la diversité, de la singularité aussi de ces activités productives en région stéphanoise. Je crois qu'on peut en revenir à des travaux de géographes. Alors, il me semble que j'ai aperçu Georges Guay dans la salle qui est là-bas, et aussi d'André Vente, qui ont montré il y a quelques années que, au contraire d'avoir sous nos pieds et sous nos yeux une grande région industrielle intégrée, on a au contraire la juxtaposition de systèmes productifs différents qui se sont structurés au cours du temps, qui ont joué, si je puis dire comme ça, avec aussi des identités, des petits territoires préexistants pour mieux s'installer dans cette région industrielle. Donc, bon, il y a une ce tissu associatif dense est aussi à l'image de cette histoire complexe de l'industrie dans cette région-là. Un tissu dense représentatif aussi sans doute de conflictualité. Alors on en a entendu, et je crois vraiment et très sincèrement qu'il ne faut pas les escamoter, que la dispute est bonne parfois, si on l'entend au sens positif du terme. Alors une conflictualité qui est parfois au sein même des activités, être dépositaire de la mémoire de quelque chose dans une région, ou être dépositaire de ces trésors que représentent les archives, hein, par exemple, plus que d'autres, mieux que d'autres. Mais je ne stigmatise rien quand je dis ça, dans la mesure où je comprends très bien, enfin nous comprenons très bien, que le processus de désindustrialisation ici a été pas forcément très rapide, mais en tout cas violent, comme dans beaucoup de régions, et que le fait de sauvegarder quelque chose de cette aventure qui se délitait était tout à fait une nécessité à certains moments. Je crois qu'on l'entend bien dans le récit de certains d'entre vous. Donc un tissu dense dans lequel sont incorporés aussi des conflits. Je pense qu'on pourra revenir là-dessus. Un tissu peu tramé pour poursuivre cette métaphore textile, parce que vous avez cité beaucoup de partenariats. C'est vrai qu'il y a aussi eu un certain nombre de tentatives pour essayer de mettre ces diverses initiatives patrimoniales en réseau. Parfois, Maurice se rappelle sans doute de quelque chose qui s'est appelé au milieu des années 90, Traverban, dont il reste quelques traces sur le web, qui avait été une tentative, alors pilotée, peut-être était-ce un problème en soi, pilotée du centre, ou en tout cas d'une des centralités de cette région industrielle, pilotée de Courriot, pour ne pas le nommer, mais qui visait bien, et sincèrement, je pense, de la part d'un certain nombre d'acteurs, à essayer de mettre en réseau, et ça ne voulait pas dire réduire la singularité de chacune de ces associations ou de ces initiatives, mettre en réseau ces différentes initiatives. Parce que tout ça, ça produit quand même, ça contribue à produire des territoires, des petits territoires, et ils sont précieux hein, dans notre histoire collective. Ça contribue aussi à produire des collectifs. Et moi, la question que j'aimerais vous poser, d'une certaine manière, c'est toutes ces initiatives patrimoniales, mémorielles, comment comment elles peuvent contribuer aussi aujourd'hui à construire ces nouveaux collectifs ou ces nouveaux territoires qui sont extrêmement importants. On nous en parle tous les jours, les nouvelles régions. Alors, je ne me situais pas à cette échelle-là, mais en tout cas, le nouveau Saint-Étienne Métropole, qui de communauté d'agglomération va passer à communauté urbaine, ça ne va pas être les mêmes choses. On ne va pas nous raconter la même histoire collective, sans parler, la métropole de Lyon, je la laisse de côté, mais elle est sans doute importante pour ce que Morane travaille, ou ce qu'on appelle le pôle métropolitain, c'est-à-dire un organisme, une organisation qui souhaite développer la coopération entre des structures de coopération intercommunale elles-mêmes et entre Saint-Étienne Métropole et le Grand Lyon, pour ne pas le nommer. Peut-être il y a une échelle aussi qui sont des nouvelles échelles de l'action publique, mais auxquelles peut-être vos initiatives peuvent contribuer en participant à la construction de ces nouveaux collectifs. Donc un tissu dense, un tissu peu tramé, ça a à la fois un pendant de la richesse, mais aussi du morcellement parfois. Donc il me semble que là-dedans, il y a un rapport complexe à l'histoire industrielle qui s'est terminée dans des conditions qui ont aussi abîmé, je crois, la société telle qu'elle fonctionnait, qui ont aussi abîmé un rapport au travail, je vais le dire comme ça parce que je le pense, que ce morcellement des initiatives a aussi sans doute à voir avec un rapport aux politiques, donc qui a été sensible dans l'intervention de Morane, un rapport à l'histoire de ces villes et aux différents projets politiques qui les ont saisis, et peut-être des projets politiques qui ne font pas trop réifier, parce que je crois que oui, bien sûr, il y a une intention de la ville de Saint-Étienne de se redévelopper autour de la cité du design. Je crois en même temps que ce genre de discours, en tout cas un certain nombre d'auteurs de ces discours sont assez conscients qu'ils se prennent au jeu d'un champ qui est celui du marketing urbain, mais que dans d'autres sphères de leur action politique, ils font aussi d'autres choses avec les associations, donc pas forcément trop réifier non plus ces initiatives. Bref, tout ça pose, me semble-t-il, la question. Alors du patrimoine, je trouve que c'est toujours un mot compliqué, mais en tout cas de l'héritage, ça c'est sûr, des héritages, peut-être les mémoires ouvrières, faudrait-il les pluraliser dans le titre, mais des héritages de cette histoire industrielle, des héritages de vos initiatives. Vous avez aussi posé la question de la jeunesse, et quand on dit jeune, on dit vieux et vice versa. Donc comment on transmet tout ça. J'ai été sensible dans vos interventions aux différentes formes d'exposition que vous mettez en œuvre, aux différentes formes d'actualisation de ces mémoires, de ces savoir-faire. Alors avec les beaux objets de la Maison des Tresses, forcément, on est assez fascinés. Je pense aussi qu'il y a des formes d'actualisation qu'il faut trouver pour ces nombreux témoignages qui ont été recueillis. Quand j'entends tout ce qui a été recueilli à la Talaudière en termes de d'enregistrement de mémoire, mais conserver tout ça, c'est bien. Mais comment est-ce qu'on peut actualiser, les faire travailler, et sans doute pas, même si ça peut contribuer, et ça j'ai été aussi très heureuse d'entendre combien vous êtes sensible désormais à faire travailler des étudiants là-dessus, mais je crois qu'il faut réfléchir à d'autres formes d'actualisation de tous ces trésors, de toutes ces collections que vous avez assumées. Et du coup, sur cette question de l'héritage, je poserai aussi volontiers la question quels sont vos publics aussi, que vous pouvez nous dire des publics qui viennent vous voir, parce que c'est important aussi pour cette question de l'héritage. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, peut-être un petit peu plus que ce que je souhaitais, mais je crois que c'est que maintenant la parole est à vous, à nous, et qu'on puisse débattre de ces questions-là. Vous venez d'entendre l'intervention de Christelle Morel-Journel, qui mettait finalement un point final à la rencontre du 28 novembre 2014 qui était consacrée aux associations et mémoires ouvrières dans le bassin stéphanois. C'est une journée qui a été commentée et développée aujourd'hui dans l'émission consacrée au Grémos. Voilà, donc Christelle Morel-Journel qui concluait la première demi-journée. Et je voudrais pour finir m'adresser un petit peu à nos auditeurs qui nous écoutent depuis un certain temps et leur signaler qu'ils peuvent nous écrire sur le site Grémos, GRE2MOS en minuscule, 2007 orange.fr et que d'autre part, le Grémaud s'est en train de mettre au point, grâce à la diligence d'un de ses membres, à savoir Antoine Vernet, jeune doctorant, un site qui, nous l'espérons, vous permettra de davantage nous connaître et échanger avec nous. Et merci beaucoup.